Chanson. Le ciel porte ses rêves d'azur sur les portes et sur les vieux murs. C'est un coin romantique et fané, mais c'est là que notre amour est né.